Mon amour, il est temps pour moi de t'annoncer la vérité. Aujourd'hui, j'ai fait un grand pas. J'ai décidé de te quitter. On est mariés depuis 20 ans. Depuis 20 ans, je le regrette. Je suis résolu maintenant. Je prends la poudre d'escampette. Allons, ne tremble pas ainsi. Il va falloir te maîtriser. Car même ton épilepsie ne me fera pas renoncer. Sans douleur, sans regret, sans douleur, sans regret, et sans larmes je m'en vais. C'est vrai, je suis un salopard, à cela je n'ai rien à dire. La nouvelle de mon départ devrait donc plutôt te réjouir. C'est évident, je te dois tout, sans toi je n'aurais rien été. C'est toi qui m'as sorti de mon trou, mais laisse-moi y retourner. Je sais aussi que notre union n'aura jamais fait mourir ta mère. Mais même à grand renfort d'oignons, les pleurs désertent mes paupières. Sans douleur, sans regret, sans douleur, sans regret, et sans larmes je m'en vais. Remets ce vase où tu l'as pris, à quoi te sert de tout casser? Allons, calme-toi, je t'en prie, les voisins vont nous dénoncer. Mais bien sûr que j'ai des maîtresses, comment veux-tu faire autrement? Un homme a des besoins qui pressent, tu n'as plus tes appâts d'antan. De toi, je ne supporte rien, ni tes amis, ni tes parents, ni tes convictions, ni ton chien, ni tes tricots, ni tes enfants. Sans douleur, sans regret, sans douleur, sans regret, et sans larmes je m'en vais. Rayer de nom sur un papier n'est certes pas une grosse affaire, mais il n'y faudra plus penser quand ils seront gravés dans la pierre. Maintenant que devant la glace j'ai répété tout mon discours, je n'ose le lui dire en face, comme depuis 20 ans tous les jours. Allons, Paul, pense aux joies nouvelles qui t'attendent, pense au pépé. Pense, mais je l'entends qui m'appelle. Oui, mon amour, je viens souper.